Chapitre 33e. Dans le trajet de la rue du Parc Royal à la rue Feydeau, Félix revint 4 ou 5 fois à son idée. Il voulait monter avec sa grand-mère et, précisément parce que celle-ci le refusait, il s'obstinait dans sa demande. « C'est parce que tu ne veux pas que je sache ce que tu vas faire que tu me laisses dans la voiture, » dit-il. « C'est parce que les enfants ne doivent pas aller partout. »« Pourquoi les enfants ne doivent-ils pas aller partout ?»« Tu as peur que je répète à maman ce que j'entendrai dire. » À ce mot, Madame Daliphard, qui n'était pas très tendre, eut un mouvement d'émotion. Elle prit son petit-fils dans ses bras et l'embrassa. « Alors, je vais avec toi, grand-maman ?»« Non, mon enfant, c'est impossible. »« Bon, je dirai à maman que tu as peur qu'elle sache ce que tu fais. » Madame Daliphard, en quittant Nogent, n'avait pas pensé à ce qu'il y avait d'horrible à se faire accompagner dans ses démarches par l'enfant de celle qu'elle voulait perdre. Cette insistance singulière de Félix lui donna un moment de trouble, mais elle ne la fit pas revenir sur sa résolution. C'était pour lui, c'était pour l'enfant qu'elle agissait. Comme elle craignait de rester assez longtemps avec M. Max Profit, elle se fit d'abord conduire au passage Jouffroy, où elle acheta une boîte de joujoux. Alors elle essaya un marché avec son petit-fils. S'il voulait jouer tranquillement dans la voiture, il aurait la boîte. S'il ne le voulait pas, elle serait pour la petite de la branche. « J'aime mieux monter avec toi chez le monsieur, » dit Félix. Et il ne regarda même pas la boîte quand sa grand-mère descendit de voiture. L'agence des familles occupait une maison sombre de la rue Feydeau. Un écusson en tôle vernie accroché à la grande porte annonçait au public qu'il devait s'adresser au premier étage, l'escalier à gauche au fond de la cour. Cette indication permit à Madame Daliphard de ne point parler au concierge ce qu'elle craignait. Arrivée devant la porte de l'agence des familles, elle sonna, et un homme à la tournure militaire, un ancien sous-officier décoré, vint lui ouvrir. Bien qu'elle fût ordinairement décidée d'allure et de parole, elle resta un moment embarrassée pour dire ce qu'elle voulait. Enfin, elle demanda à parler à M. Profit. « En particulier, pour renseignements intimes ?»« Oui. » « Alors, si madame veut bien entrer dans cette pièce, monsieur le directeur viendra l'y trouver quand la personne avec laquelle il est en conférence et celle qui l'attendent seront parties. Est-ce qu'il y a déjà du monde dans cette pièce ?»« Jamais nos clients ne sont exposés à se rencontrer, chacun a sa pièce particulière. Le mari et la femme peuvent venir en même temps. Aurais-je beaucoup à attendre ?»« Il y a 3 personnes avant madame. Je désire passer la première, je ne peux pas attendre. » Disant cela, Madame Daliphard, qui savait le prix de l'argent, voulut glisser une pièce de 5 francs dans la main du garçon de bureau, mais celui-ci, après avoir regardé la pièce, refusa de la garder. « Ce ne serait pas délicat, » dit-il. « J'ai déjà reçu 10 francs d'une personne pour un tour de faveur. Si je faisais passer madame la première, je serais obligé de rendre les 10 francs. » Madame Daliphard se demanda si ce n'était pas là un moyen adroit de lui arracher une plus grosse gratification que celle qu'elle offrait. Mais elle n'avait pas le temps d'attendre, elle changea ses 5 francs contre 1 louis, et 3 minutes après, elle vit entrer un petit homme trapu, aux yeux perçants, à la démarche oblique, M. Max Profit. « J'ai lu votre circulaire, » dit Madame Daliphard, « et je viens vous prier de m'obtenir quelques renseignements qui m'intéressent. »« Une surveillance intime ?» demanda Profit en jouant avec la chaîne en or qu'il portait autour du cou. Madame Daliphard s'inclina en signe d'assentiment. « Alors, madame, » continua Profit en prenant la pose d'un 3e rôle de l'ambigu qui va débiter un sermon, « alors, madame, je dois vous demander dans quelles intentions vous vous adressez à mon agence. Je suis peiné d'avoir à vous poser une question de ce genre, mais c'est chez moi une règle de conduite absolue, de ne pas me mettre en mouvement sans connaître le but que je poursuis. Mon agence joue un rôle en quelque sorte providentiel dans ce monde. Elle prépare les événements et elle détermine nos actions. Il faut donc que nous sachions si les intentions de nos clients sont morales ou immorales. Morales, nous agissons avec dévouement. Immorales, nous refusons notre concours. Vous me pardonnez de vous parler ainsi. C'est votre métier, » répliqua Madame Daliphard, impatientée de ce bavardage. « Voilà précisément ce qui m'oblige à tenir ce langage. Car si je pouvais m'en dispenser, ça serait avec une personne telle que vous, madame. » Cela fut dit d'un ton de politesse galante qui exaspéra Madame Daliphard. « Pourquoi moi, plutôt qu'une autre, dit-elle, me connaissez-vous ? J'ai cet honneur. » Madame Daliphard laissa échapper un mouvement de colère. s'en tenant au mot même de la circulaire, elle s'était figurée, sans bien se rendre compte de la situation, qu'elle pourrait garder l'incognito promis. « Il ne faut pas que cela vous étonne, » continua Profi. « Qui, ayant été dans les affaires, ne connaît pas à Paris la célèbre Madame d'Alifard ? J'ai eu plusieurs fois des surveillances à organiser dans votre maison, car avant de fonder cette agence, j'étais employé par la préfecture de police. J'ose dire que je le serai encore, si dans cette administration, où l'on appréciait mes services et mes talents, il y avait eu de l'avenir pour un homme actif et intelligent. Mais toutes les faveurs sont réservées aux Corses, qui encombrent toutes les routes, et comme je suis natif de Beauvais, j'ai dû abandonner la place et ma place. » Sur ce mot qu'il trouva plaisant, il se mit à rire silencieusement. Mais en voyant que Madame d'Alifard, roi des Rêches, n'était pas sensible à sa gaieté, il continua. « Ce serait un grand honneur pour mon agence, dit-il, d'être chargé de la surveillance particulière d'une maison telle que la vôtre, et avec les fraudes qui doivent s'y commettre, avec les vols faciles dont vous devez être victime, vous auriez, j'en suis certain, un grand avantage à m'employer, et nous pourrions même, si vous le désiriez, faire un abonnement. » Madame d'Alifard resta un moment silencieuse, se demandant si elle devait s'ouvrir à cet homme qui la connaissait. Ses manières côteleuses et brutales, sa platitude et son insolence, sa grossièreté et sa politesse, lui inspiraient un sentiment de défiance et de dégoût. Devait-elle confier l'honneur de son fils à cet ancien mouchard ? Quel usage ferait-il de ce secret ? Pendant quelques instants, elle balança sa résolution, mais à la fin, la haine contre Juliette l'emporta. Si quelqu'un était capable d'obtenir les preuves certaines qu'elle cherchait depuis si longtemps en vain, c'était assurément ce chenapan. Pourquoi refuser son concours ? Un autre auquel elle s'adressait serait-il plus délicat que celui-là ? S'il avait intérêt à se taire, il ne parlerait point. Il fallait donc éveiller cet intérêt, et alors elle était assurée d'avoir sa discrétion et son dévouement. « C'est en effet la surveillance de ma maison que je veux vous confier, » dit-elle. « Seulement, comme je ne sais pas ce que cette surveillance pourra me rapporter, il nous est impossible de fixer dès maintenant le prix de cet abonnement dont vous me parlez. C'est à voir. Précisément. Après 2 ou 3 mois, nous serons fixés, et si vous le voulez, nous prendrons pour base de notre arrangement la valeur des fraudes que vous découvrirez. Ce sera alors une remise de 10%, juste. » Et pendant ces 3 mois, sur quels pieds marcherons-nous ? Mes frais sont considérables. Les hommes que j'emploie me coûtent très cher. Vous aurez pour vous tout ce que vous découvrirez, dit Madame d'Alifard en interrompant cette énumération qui menaçait d'être longue. Êtes-vous satisfait ? Oui, si vous ajoutez un fixe de 200 francs par mois. 150, pas un sou de plus. Pour avoir l'honneur d'être employé par la maison d'Alifard, c'est convenu. Quand faut-il commencer ? Prochainement, mais j'ai avant certaines dispositions à prendre. Cependant, il est entendu que notre arrangement part d'aujourd'hui. Mais comme vous ne voudriez pas être payé pour ne rien faire, je vais vous employer à une surveillance qui me montrera ce que vous pouvez et comment vous procéder. Quelle surveillance ? Il s'agirait de voir où va ma belle-fille quand elle sort. « Ah ah ! » s'écria Profi en se renversant sur une chaise. On m'avait bien dit que Madame d'Alifard était une des femmes les plus adroites et plus fines de Paris. Mais je ne suis pas non plus une bête, si j'ose m'exprimer ainsi en parlant de moi-même. La surveillance de votre maison est un appât et un trompe-l'œil. C'est de Madame d'Alifard jeune qu'il s'agit réellement. Madame d'Alifard se mordit les lèvres. Très naturel, continua Profi. Et pour cette surveillance, comme pour toutes les autres, je suis à votre disposition. Seulement, pour celle-là, les conditions sont changées. Ce n'est plus une remise que je vous demande, c'est un fixe. La remise, il est vrai, pourrait encore s'arranger. Mais il faudrait la calculer sur l'importance des sommes que la séparation de corps pourra vous faire gagner. Et vous ne voudriez pas de cela, je pense. « Que voulez-vous ? » demanda Madame d'Alifard. « Seulement, soyez raisonnable. Si vous espérez m'exploiter, rien de fait. » Le directeur de l'agence des familles hésita un instant, partagé entre le désir d'obtenir le plus possible et la crainte de ne rien obtenir du tout. « 3 000, dit-il enfin. « 500, répliqua Madame d'Alifard. On batailla, on discuta, et l'on finit par tomber d'accord à 2 000. Le jour où l'agence des familles pourrait dire ce que Juliette faisait depuis l'heure où elle sortait de la rue des Vieilles-Haudriettes jusqu'au moment où elle y rentrait, on lui compterait 2 000 francs. « Maintenant, dit Profit, il faut que je connaisse madame votre belle-fille et que je la fasse connaître de ceux de mes hommes qui seront chargés de la surveillance. Pour cela, nous avons un excellent moyen. Ainsi, vous louez une loge à un théâtre quelconque, vous m'envoyez le numéro de cette loge et nous pouvons faire notre examen sans éveiller aucun soupçon. On ne nous voit pas, et quand on se rencontre avec nous plus tard, on ne nous reconnaît pas. La loge vous convient-elle ? » Madame Dalifard accepta ce moyen, et il fut convenu qu'en sortant, elle louerait pour le lendemain une loge au Vaudeville, où l'on jouait en ce moment une pièce à succès. « Autre renseignement, dit Profit. Sur qui portez-vous vos soupçons ? Si vous pouviez me donner le nom du monsieur, ce serait excellent. Les femmes sont généralement défiantes, et par 1000 détours, elles rendent les surveillances difficiles. Les hommes y vont plus franchement, de sorte qu'en les suivant, on est sûr d'arriver à la femme, c'est plus commode et plus rapide. » Madame Dalifard donna le nom et l'adresse d'Erol. Profit tira un portefeuille pour prendre ses renseignements par écrit. « Est-il bien nécessaire d'écrire ? » demanda Madame Dalifard. « Cela est sans inconvénient, » dit Profit en lui présentant son portefeuille ouvert. « Toutes les notes que je prends sont écrites en chiffres et personne autre que moi ne peut les lire. Dans quelques jours, j'aurai l'honneur de vous porter à nos gens le résultat de nos premières recherches. »